Y crois-tu, en terminant, à ça, à cette capacité-là ou à cette exigence-là qu'on doit avoir de nettoyer convention collective, d'apporter une flexibilité d'un corps de métier, puis une plus grande fluidité sur le plancher des marches? Je ne crois pas dans son ensemble, mais je crois qu'on pourrait faire un exemple d'une institution en particulier, faire un exemple, leur donner toutes les chances requises. Ça pourrait vraiment refléter faire comme un exemple, espèce ça pourrait de projet rayonner. Pilote. Oui, c'est parce que c'est comme ça que ça se passe. L'innovation, ça vient d'une initiative locale, puis à un moment donné, on dit, oups, ça va bien, ça. Copiez donc ce qu'ils font. Comme ça a l'air à marcher. Comme la santé il y a 20 ans, là, mettons, là. C'est ça. Comme les écoles privées. Comme les écoles privées ont, maintenant, les écoles publiques copient les écoles privées, tu sais. C'est comme ça, l'émulation et tout ça. Mais je leur souhaite bonne chance, hein, parce que, à terme, le public, vous et moi, là, il va falloir qu'on dise, comme un peu comme Antagoniste a dit, nous sommes prêts, nous. Nous aussi, on va avoir des sacrifices à faire. Ah oui, on le fait. Ici, en tout cas, on le fait beaucoup. Est-ce qu'on est prêt, par exemple, à avoir, je sais pas moi, des gens dans la rue manifester, puis se lever, puis dire, non, regarde, on n'a plus le gouvernement là-dedans. On l'a pas assez fait pour la hausse des frais de scolarité. Regarde ce qui est arrivé. On n'était pas dans le trafic, par exemple. On pouvait pas se rendre, on était poignés sur le pont. On pouvait pas se rendre à notre propre manif. On était poignés. Hey, merci beaucoup, Joanne. Fait plaisir. Bonne semaine, tout le monde. Joanne Marcotte, mesdames, messieurs. Vous êtes d'abord à live.